nur de silo hin er bezonnek. C'est l'heure de retrouver hin er bezonnek. Vous êtes bien sur RKB pour Hentar Brezonek. Comme d'habitude, on commence par Geryu Arvué. On est à l'émission 415, Perram Pemzek. Quel mot on voit aujourd'hui, Henri ? Alors aujourd'hui, c'est un mot qui ressemble beaucoup au mot français désignant le même objet. C'est mouchour. Alors ça s'écrit mouchouer, mais ça se ici, dans notre région, ici, on prononce mouchour. Alors c'est un nom masculin, donc qui est emprunté à l'ancien français, et qui est lui-même issu du latin mucus, ça s'écrit mucus, hein, d'ailleurs en français ça se dit mucus, qui désigne différentes sécrétions, et en particulier la morve, ce qu'on appelle le vrilouz en breton. Mm-hmm. Donc ça a donné le mot mouchoir, qui est passé il y a très longtemps en breton, avec une évolution du sens d'ailleurs souvent. Alors c'est un mot, c'est un mot masculin, dont le pluriel, il y a un pluriel régulier qui est mouchouriou. On dit aussi mouchiri et mouchouerien aussi. J'ai entendu ce mot-là, hein, mouchouerien. Voilà. Alors ça désigne un morceau d'étoffe carré en général. Donc bien sûr le mouchoir. Alors le mouchoir de poche, on dit mouchour godel. Mm-hmm. Mais ça désigne aussi par exemple un châle, hein, en mouchour seize, hein, un châle en soie par exemple. À cause de la forme carrée. À cause de la forme carrée, oui, c'est. C'est une pièce de tissu carré. Alors dans le temps, ça se portait beaucoup, hein, le châle, leur mouchour. Et ça a donné aussi, ça désigne aussi le petit carré de tissu qu'on appelle un fichu, donc que les femmes mettaient, parce qu'autrefois, on ne pouvait pas, une femme n'allait pas tête nue à l'église, tête nue. Et justement, pour dire tête nue, on disait divouchour, c'est-à-dire sans rien. C'était impensable, de toute façon. Hein. Voilà. De même qu'un homme en chapeau ou en casquette n'aurait pas pu rentrer dans l'église sans être hué, peut-être. Voilà. Donc voilà. Alors, comme je l'ai dit, il y a le mouchour godel, hein, qui est le plus répandu. Hein. Et donc, c'était un attribut, c'est toujours un attribut pour les personnes de mon âge et plus, il a été beaucoup remplacé par les mouchoirs jetables, hein, les Kleenex et tout ça, hein, qui, depuis les années 60, sont rentrés en France. Et ça existait aux États-Unis bien avant, mais c'est rentré en France dans les années 60 et ça a tendance à éliminer le mouchoir. Alors il y avait une capitale du mouchoir, c'était Cholet. La ville de Cholet, où il y avait beaucoup de fabriques, hein, de mouchoirs comme ça. Et il y a encore 30 ans, il y avait à peu près 60% des mouchoirs qui étaient fabriqués à Cholet. Alors depuis, la dernière usine, le dernier atelier de mouchoirs, Turpot, a fermé. Il ne reste plus qu'une fabrique en France, c'est à Cambrai, la fabrique Cook. Et il n'y a plus de fabricants à part cette usine, cet atelier, c'est une petite usine à Cambrai. Il n'y a plus de fabrication de mouchoirs en France, de mouchoirs en tissu. Ils viennent aussi de Chine maintenant. Ils viennent de Chine, hein. Et alors, justement, je voyais que le principal client extérieur pour le lin de Normandie, c'est la Chine. Mmh. Donc, qui achète énormément de lin et qui fait, entre autres, des mouchoirs, enfin tous les textiles. Et alors le mouchoir en lin, qui était autrefois le mouchoir classique, a été développé, a été remplacé par le mouchoir en coton, hein, au 19e siècle, ou par un mouchoir à deux fibres, lin et coton. Mmh. Alors il y avait des tailles réglementaires, hein. Le mouchoir pour les femmes, c'était un pied carré, hein. Donc 33 sur 33, et le mouchoir pour les hommes était plus grand. Bien sûr, le nez est plus important c'est chez l'homme que chez la femme. Et donc, il y avait des normes, hein, déjà sous Louis XVI, hein, sur la taille des mouchoirs. Alors ces mouchoirs, donc je disais, Cholet a été vraiment c'était une industrie importante à Cholet. Hein. Il y a une chanson de Botrel sur le mouchoir rouge de Cholet. Alors il y avait des mouchoirs, on disait mouchoir godel, hein. la mouchoire de poche, et on disait mouchoir zul aussi, le mouchoir de dimanche, qui était plus grand, avec des grands carreaux rouges, là. Voilà, j'en ai vu quand j'étais gamin, des grands mouchoirs comme ça. Moi, j'ai une question, parce que quand on a été au Danemark, il y a une danse du mouchoir et du tabac, c'est ça? Voilà, danse mouchoir. Alors, pour les femmes, on faisait la danse du mouchoir, et pour les hommes, la danse du tabac. Il y avait une chanson de Pierre Baudouin qui disait « Dissul tient tant une plaie, vine vos grédeurs, fesses nonces. Danseur but une vaugrette, la la la la la la la la. Danseur but une vaugrette, oh y'a videur, beau traite. À danse mouchouère, y'en oh y'a videur, merde. » Donc c'était traditionnel de faire... Ma grand-mère avait toute une collection de mouchoirs gagnés à la danse, comme ça. Parce qu'autrefois, il y avait dans les nonzas comme ça, après les grands travaux, il y avait des concours de danse déjà pour les... Et donc c'était le tabac pour les hommes et les mouchoirs pour les femmes. C'était plus durable pour les femmes quand même. Au Danemark, tout le monde a le droit à son mouchoir ou son tabac. Ah oui, mais avant c'était strict. Hein. Il y avait une ou deux matrones qui servaient de jury là et qui attribuaient les mouchoirs aux jeunes filles qui dansaient le mieux. Alors je disais tout à l'heure, la morve qu'on appelle le vrilouze, hein, de façon courante, quoi. Et puis, se moucher, on dit « rouillant hervri », c'est-à-dire on souffle son nez. C'était quand on... J'ai entendu ma grand-mère nous dire ça des centaines de fois, « oui, est offri », hein, parce que, bien sûr, autrement, on s'enrhume. Donc c'était très important, le mouchoir. Hein. Et on disait d'ailleurs, avant d'aller à la messe, on disait « rouille ton fri, à Zato Prago hein, ». Mouche ton nez et lève ta culotte, parce que les pantalons n'avaient pas de bretelles, alors ils avaient tendance à tomber. Donc voilà, c'était presque rituel de dire ça, « rouille ton fri, à Zato Prago ». Ou au Pritchow, quoi. Voilà. Donc, ben, voilà, on a fait un petit tour sur le mouchoir, en mouchour. Et en gallo, on trouve la même chose, hein, mouchouère, hein, le même mot, voilà. Très bien, on passe à la deuxième partie d'émission, Brezhoneg dans ma tombe. Thank you. on passe à Brezhoneg Tamm Ha Tamm, visite du boulodrome de Plara Radio, Chanik, et ouais. C'est André qui lui sert de guide, c'est voilà. Ça Henri ? Oui, c'est André Gag, le président des boulistes de Ploudérien et de Zantol, réunis. Oui, parce qu'il y a un rassemblement, voilà. La FPI. Voilà. Alors, elle avait parlé de... Il avait parlé, André, de l'école des boules. Donc, on reprend. Ouais. Chanik, Scholar Boulou. Ya, disque d'Arre Yawang de Huari Boulou, et velve disque Trowel. Hager mesko, lazo ? Ya, mir aze, diouve germis, d'or mer ar daberde. A vejou, ah non, a vej en amzor ve gredive de zaden de beure. A gwech a gwechel, ve gredive ur stage, e padan de, evit diski pose, pose war reun, pe dre ar blankon, ten o war roul, pe war pok. Un tamm bep sort, a plijad ur vej, met deud ur vej penek de veld. Ya, André, donnerine. Et ben voilà, ça donne envie d'aller faire un petit tour. Hein. Ouais. Scholar Boulou, donc c'est ça qu'elle demande Chanik pour avoir des explications. Ouais. Donc l'école des boules. L'école des boules. Il y a Diski, Arigawang, Darwari Bolo, Vidve Desket Trawel. Voilà. Et Velve Desket Trawel. Ouais, ouais. Alors, Diski, Arigawang, Darwari Bolo. Hein. Donc, alors là, c'est apprendre, si on traduisait littéralement, c'est apprendre les jeunes. C'est-à-dire, éduquer les jeunes, hein, en fait. Voilà. Hein. Diski de Rayawan. Deskin, c'est apprendre. Hein. Aussi enseigner dans les deux sens. Hein. Il y a un autre mot pour enseigner qui est Kellen, mais là, on peut utiliser Deskin. Hein. Deskin de Rayawan, de Huari Boulo. Alors, Huari, on l'a déjà dit, hein, souvent, on mange un peu le R de Huari Boulo. Hein. Voilà. Deskin de Rayawan, de Huari Boulo. Hein. Donc, apprendre aux jeunes à jouer aux boules. Evel m'avait dit que Evel avait dit que Trowel, comme on apprend d'autres choses, hein. C'est-à-dire par un enseignement en fait. Hein. Alors que autrefois, bien sûr, on apprenait sur le tas en jouant quoi. Hager mesko, lazo. Ah et il y a un maître d'école, il y a un professeur. Hein. Il y a un miarazé. Oui, c'est moi. Hein, je fais cela. Diouve germis dar mer ar dabde. Voilà. Alors deux fois par mois, diouve germis deux fois par mois. De Mer Hardabde, le mercredi après-midi. À Vechenamzer, Végrélivé de Zadon de Beuré. Et de temps en temps, Vechenamzer, hein, Vechenamzer, de temps en temps, on fait aussi, hein, forme d'habitude, Végrélivé de Zadon de Beuré le samedi matin. À Gwécha Gwéchal, Végrélié, Eurstage, Padende, Vidiski Pos, Pojoaren, Pédrier Blanken, Athéno. Voilà. Alors, une autre façon de dire de temps en temps, hein, qu'on entend assez souvent, Gwécha Gwéchel. Hein, dans le pays gallo, ils disent une fois le temps. Hein, voilà. Une fois le temps. Gwécha Gwéchel. De temps en temps, Végrédivé hors stage, on fait aussi un stage, hein, pour une journée, pardon day, sur une journée. Evit Diskin, alors là, il explique un peu ce qu'on apprend. Hein, pose, c'est-à-dire poser, hein. Poser sa boule, c'est-à-dire s'approcher le plus près possible du mest, hein, mest pian, ou le pino aussi, hein, ici on dit hors pino, hein, le maître, hein, ou le cochonnet en français, hein, nous on dit hors pino, hein, voilà, diskin pose, warren, alors tout droit, pedreer blancon, ou par la planche, hein, hein, ça c'est tout un art, hein. Alors, tenno, hein, alors c'est tenant, et nous on dit tenno ici, hein, souvent les infinitifs de verbes, on les finit en o ici. Tenno war roul, donc à roul. Hein. Ça veut dire quoi tenno? Alors tirer. Tirer. Tirer, hein, quand on tire la boule. Hein. Pewarbok. Pewarbok, hein, c'est-à-dire à poc. Hein. Alors il y a demi-poc aussi. Hein. Zaigwengamb, hein. On dit ça aussi, le saut de Guingamp. Quoi. C'est-à-dire on tombe un mètre ou deux avant. Et on laisse rouler, quoi. Ça, c'est tout un art aussi, hein. En tant que bepsort, quoi. À plija d'urvé. En tant que bepsort. À plija d'urvé. Et il y a du plaisir. Ouais. Mais deux d'urvèche bénac d'avel. Mais venez une fois quelconque pour voir, une fois ou l'autre, hein, pour voir, de velette. De velette. Il y a André, dont Nerine répond chanson. Oui, elle répond toujours ça. Je sais pas si elle ira partout, mais. Il faut pas déplaire aux gens. Un jour, peut-être, elle ira. Voilà. Ouais. Allez, on passe à Petra Zonevervro. Troisième partie d'émission, Petra zo neve ar vro eri. Kal se draou zo neve ar vro e vel jus bo ar vej diouz an. Krogom de diantan vel kustum, gant alar bourdouar hag vu e war ar mez. Tostad ram bremont deus un neve amzor, gwellet ve deja blenio un neve amzor o tiskoi o vri. Ar gwan e ke be gwal yin, ha, met bet zo avel a glo, o bern, ha, ma meus, ha, pel zo a ke bet yem edel. Hag am war an nu el neus ket bet reol eus roug, ma meus tra, met war an isel vel bar kemperle, eus o bet kol kal ze draug an un dour beuns. Hag un tamm deus kastel pondi eus o kwit un deel, ar vargar deus ur hastel, a kal ze frej eo evo evit hat zevel ur vargar ze. Ma trezent peus kleve George Bells un deel war wargen ou RKB a RBG, an eus komz eus se, an eus isplig mat perek, Ou a kouet ar vargor, hein. Pis a mod oa vegred magor yo ban o hastel dis, a pereg e sans sub deus un dour, pe goe un dour tre, tre emmen. Pe ve koze deus un dour, evel just a zon ochtin deus pesketeres, hein, pe dion prestid vo gwelet adare, ar besketerien, neiz eus eus meurs, vo digor de ar pesketeres, hag vo gwelet Ur besketerien oa ar riblen dour, oa ar riblen ar stereo. A gwechel oa ar amam, ba vro amam, ar pesketer bru de tre, ze zo kan la so, hein, met de bon beveneuz tost de gand la, hag oa iwan a brenber. Iwan brenber, i fam iwa de spurun, met el oa de chom de labourad ba rostren, a der arre gand ivreg, hôtel Honvers, hein, puis hôtel le Joncourt Gouédard, puis il y aurait, Gouédard, avec, le, un tease zo énorme, puis il y aura énormément un dia de Le Gouen, hein, war blas, na, puis un enheru de ba rostren. A guiwan de Brenber, ou a un din, un esgret calzdrau, donc de gond totard, tout pis n'esgret, mais de plusieurs aidants, dont de biscuita de war gouage ou puru de la rue, war blaves, dreistol, war gouaze nere rous, de l'arade, stangelor, stérelor, de stangelor, de mes stérez. Hag, iwan a brenbern, iwan a zarved or ganoel, vid ar pesketerien, hag vid gouaze nere rous. Hag l'arre, ur pesketer, koz deus e dierne, eru e loar fini amzer, han aven ma de barze hon tridre han o i bon e brenber. Deus kostiant ur noz a laken i jonge rog mont te vons, dobor ur i moustad en vid e besketerien. Ur pesketer eus o kondaun e peru a in bord de ster, de la kadi zonge gant de pesque de le skedi du buiou badier. A ma grogen luzen en igay on en penivus ugen, ma e ur guir besketer eud le non ni bonheur. C'est-tu, bon, quand on a eu un jour avisé, mais de comme j'aura justement de ce plijat du repesqueterien, quand on a eu un écologue, les, hein, bon, dit, aura de pessamo, d'iwal, de zeur, gouage, ou à tout, à plus justré, quand on a eu Bon, et vel juste, rogue vodigour de repesqueterien, de vos airs de chasser. Mais quand je chasseur, il y a un zo yves pesqueterien, il a dit ce, Le plijad ur grand épar de blanc. Pegomz an de chasse, de ce que voit le belzo, oa ba vo gour campionnat de breu Europa, vi de chage de chasse al. Hag ur maud ba rostren, ur maud zoet gant o hi deus rostren, petam an o hi a zo don den eus rostren, hag zo haunet a hinso deus ur oen pointer, hag zo haunet gwellar. Ne ke fall vi haun ar hi, gwella. Hag edi ar maug gantan, edi ar maug an ar hi, hag hiz, perra de hiz zo de loui kwad, e, loui kwad melek. Bon, vegenan zo blicht din komz dar deus e gist, pe dur e gist bon zo nevaj matri, hag zo bet gwegel or sort de vaj broad le vid vreton de nan. Ne oa ke gwegel na gwir, na bir war an dol, mais giste. À cause de gandaouen, nous au bégret, hein, ou à giste, et vel, giste à l'eau, hein. Et juste alors, ragisomat, non là, et juste alors, ragisomat. A hendel zo ar gant oen oaz ar wet ar wen avalo, a zo bezavet gant ar faktor deus gronvel oa hang net koik i hang, hag el are, ur gist zo olik ur apive eve pur, ur an erst ur peiz an da kal ze blijadur. Bon, ur gant oen hir hag bon plijustre, hag an ton brav, a war gist. Mais tant ma tante bénéfine, orgis, ou abédile, ze bavrou, goyal, ou casse de ze goyal, ou zobé discal, a gavroton de, neus non lac de évan, guin, pe bir, pe mi ou armi, pétar, hein. Aya, alice, pe vigène d'une, roi boule, ou vigé, even, rouge lim, bah bistro, hein. Rouge lim, guin rue, à limonade. Bonne, mais vélo chance, zobé de, Zavet kaz tir kampouz bavro, hag ban tir kampouz eve e chombe d'ar hiz da evangist. A setu tan ma tamp ve gwell, rad gwell d'ar gist, war an tolio, hag bon amman, bon, babla daou vil trizek, en eus kresk de ur gist eus war dregan, brouvran ze bez, bez somad, hein. Hag gist zo gret gant stalio braz vel loig rezon, mais il fait qu'on artisane d'un wardro wer quand zo brovans de bis à cause de ces au evel juste brace à gebro normandie ne ce que quoi le belzo vi chambre d'achen de la bourdoua passant nicolas ou lead de hunter convla huma kuma du pelem de la redi tu dans ce lac de non lac de sembles et vide la bourade d'un crouet wabid de humains de grand Jean Kerry babla tri à triugen ag krog one trog quand prenne en tracteur ag binjou de heuil ag hantor quand la waler zo bop de seis esel ba humains mais vel juste au mur zo arrive juste vide de houlse ve je nomme ze regont tandard de ce bois de vro ag da skouir de ze pâte gret gant stal enaf, e galak vigelard, hein, enaf le pâte du mataf, a bromen vo kasse de pâte enaf pe bouet bop gret gant enaf de gant de gos monotet, ma trez un peus gwelze, a gansé o pel ba pel de zor be dam, vo kasse de bouet enaf gant de gos monotet. A zi zon tol bruder eus mort, de vel just, vide enaf. Bon wardach en ur politikere, stost a ramp deus votadegou vide parouzio, hag gwell vezi war gazeteno, hein, bemdi ve etud listeno, hein, parouzio zo nevek medo listen, ler helz diou peter, was, diou peter, med amme drevraz ve ka vetud war a rang me mestra. Chomme de ur spir de un demokratel, un grand un dud, hag kalz e dud zo non zougen evit mont de war a rank. Med vid barouj ou bien vel purut tre mal gad pezan e gouden am, ma trezen vo vej diouzan, ma ve di gemeret gant a vote de lezen, un dant ve lezen zo kiniget gant kevriligus Meriou Brovrans, un AMF, un Association des Maires de France, an eus gred un dant ve lezen evit l'acad de sembles au neubeu de parouge au vidoronan hag bon comme je vais de zor parouge au gant pe mil den pe dis zir a fe parouge au bras tre am les dents ou el vo pe samo de vo con bon pet vidor vejman bon pet ne chancho que n'entra ou avo mire de mames parouge au ne vesso pe ve comme je de il mon entend moi d'ach en zivinadio zo strolat BCD zo Bretagne diversité Bretagne culture diversité un esgred au sondage évite good a gagné war et papé sa stade ou as evena dur brais mais ce que retournet a zo goul le traufen tu grand endu la square zo goul le grand nante ma warin peto or biniou a zo pemze ga perrugue un dragon de zendu d'avoir petra et or biniou. Mais même Estras, Braise, en mesure, Pem Dragon, deux indus, d'un Warren qui peut arriver à Bignou, puis ce souhait, juste Estras. da skouer tri ugen dregan ne war petere ur fesde. Mais ira da ugen dregan an war an ke petere. Bon, hag sondage se vogret de bep tri beberble de vel dangin a an tro war og, pe tamman ma chom man mamez bot. A c'hwer dregan eus un du de gomz brezhonek, pez ne ke kals ben e fin. Me me straz e aziz ke ne ke bet de ben jacobine de beurz istru jean brezhonek. Bon, da war nugen de ze vretonne, da war o nebet gerio de ze brezhonek. Ze ve gwell da liz gant e pen ou braz, pe ve gred o breze gant gant en kap te lard, blavez mat, ken avo pe yere mat. Mais Benefin, ne war an ket nabu nabav e lar fe Jean-Pierre Guyad ar vechen amzant. Bon vichon war dach en zevenadur, prestik vo c'hat krog e mamez an pe lar in mat, kan ur bob, lan, pe diur zo bet em vod ou on tamme pe bler deja, hag ba fin mizebel vo e chuet ba pondi, evel pe plat. Blanc, mais je vois, ne vaut que grède de monde, mais va hastel, hein, plus dur, donc, moyen d'une bah hastel, je vois, mais, bah, pondi vos grède, bon, peut-être. Hag, rogue, et vel juste vos bêtes, un aime vaut de bamel carrez, et vide en vroman. Hag, asé vos gouel, calze gonterien, à bugal, et à canerien, à zonerien. Hag, vos gouel, de pégen, bé, oué, oas, zévena, dureur, vro. Bon, quand je trouve fait bit de l'art à droite, mais ma treize année aille pointine et chui gazé, à cet hilar en d'art qui est norvégien, chilo et rien d'air cabé. Qu'en est-ce que j'ai, Léry?